Chapitre 48. Dans l'après-midi, il y eut une belle scène. Mon pauvre Yves était gris et voulait aller à Banalec prendre le chemin de fer pour se retourner à bord. Nous étions fort loin à nous promener dans un bois, Anne, lui et moi, quand tout à coup cela le prit à propos d'un rien. Il nous avait quittés, nous tournant le dos, disant qu'il ne reviendrait plus, et nous l'avions suivi par inquiétude de ce qu'il allait faire. Quand nous arrivâmes après lui à la chaumière des vieux Kéréménen, nous le vîmes qui avait jeté à terre sa belle chemise blanche et ses beaux habits de mariage. Le torse nu, comme se mettent les matelots à bord pour la tenue du matin, il cherchait partout son tricot de marin qu'on lui avait caché. « Seigneur Jésus, mon Dieu, ayez pitié de nous, » disait Marie, sa femme, en joignant ses pauvres mains pâles de convalescente. « Comment cela s'est-il fait, Seigneur? Car enfin, il n'a pas bu, ô monsieur, empêchez-le, » suppliait-elle en s'adressant à moi. « Et qu'est-ce qu'on va dire dans tout le Toulven quand il passera, de voir que mon mari a voulu me quitter ?» En effet, Yves avait très peu bu. Le contentement, sans doute, lui avait tourné la tête à ce dîner. Et de plus, nous lui avions fait faire une course au grand soleil. Il n'y avait pas tout à fait de sa faute. Quelquefois, rarement il est vrai, avec beaucoup de douceur, on pouvait l'arrêter encore. Je savais cela, mais je ne me sentais pas capable aujourd'hui d'employer ce moyen. Non, c'était trop à la fin. Même ici, dans cette paix et ce bon jour de fête, apporter encore ces scènes-là. Je dis simplement, Yves ne sortira pas. Et pour lui couper la route, je me mis en travers de la porte, arc-bouté au vieux montant de chêne, qui était massif et solide. Lui n'osait rien me répondre à moi-même, ni lever sur moi ses yeux sombres et troubles. Il allait et venait, cherchant toujours ses habits de bord, tournant comme une bête fauve que l'on tient captive. Il avait dit à voix basse que rien ne l'empêcherait de sortir, dès qu'il aurait trouvé son bonnet pour se coiffer. Mais c'est égal qu'il faudrait me toucher pour essayer de sortir, le retenait encore. Moi aussi j'étais dans un mauvais jour, et je ne sentais plus rien de cette affection qui avait duré tant d'années, pardonné tant de choses. Je voyais devant moi le forban ivre, ingrat, révolté, et c'était tout. Au fond de chaque homme, il y a toujours un sauvage caché qui veille, chez nous surtout qui avons roulé la mer. C'étaient nos deux sauvages qui étaient en présence et qui se regardaient. Ils venaient de se heurter l'un à l'autre, comme dans un de nos plus mauvais jours passés. Et dehors, autour de nous, c'était toujours le calme de la campagne, l'ombre des chênes, la tranquille nuit verte. Le pauvre vieux curé Ménène, lui, ne pouvait rien, et cela risquait de devenir tout à fait odieux et pitoyable, quand on entendit Marie qui pleurait. C'étaient ses premières larmes de femme, des larmes pressées, amères, présages sans doute de beaucoup d'autres, des sanglots qui étaient lugubres au milieu de ce silence lourd que nous gardions tous. Alors Yves fut vaincu et s'approcha lentement pour l'embrasser. « Allons, j'ai tort, dit-il, et je demande pardon. » Et puis il vint à moi et se servit d'un nom qu'il avait quelquefois écrit, mais qu'il n'avait jamais osé prononcer. « Il faut encore me pardonner, frère. » Et il m'embrassa aussi. Après, il demanda pardon aux deux vieux Kéréménen, qui lui donnèrent de bons baisers de père et de mère, et pardon à son fils, le petit goéland, en appuyant sa bouche sur ses petites mains fermées qui débordaient du berceau. Il était tout à fait dégrisé et c'était fini. Le vrai Yves, mon frère, était revenu. Il y avait comme toujours dans son repentir quelque chose de simple et d'enfantin, qui faisait qu'on lui pardonnait sans arrière-pensée et qu'on oubliait tout. Maintenant, il ramassait ses effets par terre, les époussetait et se rhabillait sans rien dire, triste, épuisé, essuyant son front où une mauvaise sueur froide était venue perler. Une heure après, je regardais Yves, qui était posé avec sa tournure d'athlète près du berceau de son fils. Il venait de l'endormir en le berçant lui-même, et peu à peu, progressivement, avec beaucoup de précautions, il arrêtait les balancements de la petite corbeille de chêne. Pour la laisser immobile, voyant que le sommeil était bienvenu. Ensuite il se pencha davantage pour le regarder de tout près, l'examinant avec beaucoup de curiosité, comme ne l'ayant encore jamais vu, touchant les petits poings fermés, les petits cheveux de souris qui sortaient toujours du petit bonnet blanc. À mesure qu'il le contemplait, sa figure prenait une expression d'une tendresse infinie. Alors l'espoir me vint que ce serait peut-être un jour sa sauvegarde et son salut, ce petit enfant. Chapitre 49. Le soir après souper, nous fîmes une promenade beaucoup plus calme que celle du jour, Anne, Yves et moi. et à 9 heures nous étions assis au bord d'un grand chemin qui traversait les bois. Ce n'était pas encore la nuit, tant sont longues en Bretagne les soirées du beau mois de juin. Mais nous commencions tout de même à causer des fantômes et des morts. Anne disait « L'hiver, quand les loups viennent, nous les entendons de chez nous. Mais quelquefois les revenants aussi, monsieur, se mettent à crier comme eux. » Ce soir-là, on entendait seulement passer les hannetons et les cerfs-volants, qui traversaient l'air tiède en décrivant des courbes, avec de petits bourdonnements d'été. Et puis dans le lointain du bois, un appel triste chantait tout doucement d'une voix de hibou. Et Yves disait « Écoutez, frère, les perruches de France qui chantent. » C'était un souvenir de sa perruche de la Sibylle. Les graminées légères, avec leurs fleurs de poussière grise, étendaient sur la terre une couche très haute, à peine palpable, où on enfonçait. Et les dernières phalènes, qui avaient fini de courir, plongeaient les unes après les autres dans ces épaisseurs d'herbe pour prendre leur poste de sommeil le long des tiges. Et l'obscurité venait, lente et calme, avec un air de mystère. Passa un jeune gars breton, qui portait un bissac sur l'épaule, et se revenait gris du pardon de l'anildu, la plume de paon au chapeau. Je ne sais pas bien ce que vient faire ceci dans l'histoire d'Yves. Je raconte au hasard des choses qui sont restées dans ma mémoire. Il s'arrêta pour nous faire un discours. Après quoi, en manière de péroraison, et montrant son bissac, « Tenez, dit-il, j'ai deux chats là-dedans. » Cela n'avait aucun rapport avec ce qu'il venait de nous dire. Il posa son fardeau par terre et jeta son grand chapeau dessus. Alors ce bissac se mit à jurer, avec de grosses voix de matou en colère, et à circuler par soubresaut sur le chemin. Quand nous fûmes bien convaincus que c'était des chats, il remit le tout sur son épaule, salua et continua sa route. Chapitre 50. 17 juin 1878. De bonne heure, nous sommes debout pour aller dans les bois ramasser des luzes, petits fruits d'un bleu noir, que l'on trouve dans les plus épais fourrés, sur des plantes qui ressemblent aux guis de chêne. Anne ne portait plus son beau costume de fête. Elle avait mis une grande collerette unie et une coiffe plus simple. Sa robe bretonne en drap bleu était ornée de broderies jaunes. Sur chaque côté de son corsage, c'étaient des dessins imitant de ces rangées d'yeux comme en ont les papillons sur leurs ailes. Le long des sentiers creux, dans la nuit verte, nous rencontrions des femmes qui allaient à Toulven entendre la première messe du matin. Du fond de ces longs couloirs de verdure, on les voyait venir avec leurs collerettes, avec leurs hautes coiffes blanches, dont les pans retombaient symétriques sur leurs oreilles, comme des bonnets d'Égyptiens. Leur taille était très serrée dans des doubles corsages de drap bleu, qui ressemblaient à des corselets d'insectes, et sur lesquels étaient brodées toujours les mêmes bigarrures, les mêmes rangées d'yeux de papillons. Au passage, elles nous disaient bonjour en langue bretonne, et leurs figures tranquilles avaient des expressions primitives. Et puis sur les portes des chaumières antiques, en granit gris, qui étaient enfouies dans les arbres, nous trouvions des vieilles assises et gardant des petits enfants, des vieilles aux longs cheveux blancs dépeignés, aux haillons de drap bleu coupés à la mode d'autrefois, avec des restes de broderies bretonnes et de rangées d'yeux, la misère et la sauvagerie du vieux temps. Des fougères tout le long de ces chemins, les espèces les plus découpées, les plus fines, les plus rares, agrandies là dans l'ombre humide, formant des gerbes et des tapis. Et puis des digitales pourprées s'élançant comme des fusils roses, et plus roses encore que les digitales, les silènes de Bretagne, semant sur toute cette verdure fraîche leurs petites étoiles d'une couleur de carmin. À nous peut-être la verdure semble plus verte, les bois plus silencieux, les senteurs plus pénétrants à nous qui habitons les maisons de planches au milieu du bruit de la mer. « Moi je trouve qu'on est très bien ici, » disait Yves, un peu plus tard, quand le petit Pierre sera seulement assez grand pour que je l'emmène par la main. Nous nous en irons tous deux ramasser toutes sortes de choses dans les bois, et puis chasser. C'est cela, j'achèterai un fusil, dès que je serai un peu riche pour tuer les loups. Il me semble à moi que je ne m'ennuierai jamais dans ce pays. » Je savais bien, hélas, qu'il s'y ennuierait à la longue, mais c'était inutile de le lui dire, et il fallait bien lui laisser sa joie, comme aux enfants. D'ailleurs, lui aussi allait partir. 2 jours après moi, il devait rejoindre Brest, pour s'embarquer de nouveau. Ce n'était qu'un tout petit repos dans notre vie, ce séjour en Toulven, qu'un petit entracte de Bretagne après lequel notre métier de mer nous attendait. Nous fûmes bientôt au milieu des bois. Plus de sentiers ni de chaumières, rien que des collines se succédant au loin, couvertes de hêtres, de broussailles, de chênes et de bruyères. Et des fleurs, une profusion de fleurs. Tout ce pays était fleuri comme un Éden. Des chèvrefeuilles, de grands asphodèles en quenouilles blanches et des digitales en quenouilles roses. Dans le lointain, le chant des coucous dans les arbres et autour de nous des bruits d'abeilles. Les luzes croissaient çà et là sur le sol pierreux, mêlées aux bruyères fleuries. Anne trouvait toujours les plus belles et m'en donnait à pleine main. Et le grand Yves nous regardait faire avec un sourire très grave, ayant conscience de jouer, pour la première fois, une espèce de rôle de mentor et s'en trouvant très surpris. Le lieu était sauvage. Ses collines boisées, ses tapis de lichen, cela ressemblait à des paysages des temps passés, tout en ne portant la marque d'aucune époque précise. Mais le costume d'Anne était du plein Moyen-Âge, et alors on avait l'impression de cette période-là. Non pas le Moyen-Âge sombre et crépusculaire compris par Gustave Doré, mais le Moyen-Âge au soleil et plein de fleurs, de ces mêmes éternelles fleurs des champs de la Gaule, qui s'épanouissaient aussi pour nos ancêtres. 11 heures quand nous revînmes à la chaumière des vieux Kéréménen pour dîner. Il faisait très chaud cet été-là en Bretagne. Toutes ces fougères, toutes ces fleurettes roses des chemins se courbaient sous ce soleil inusité, qui les fatiguait même à travers les branchages verts. 1 heure, pour moi, temps de partir. J'allais embrasser d'abord Petit Pierre, qui dormait toujours dans sa corbeille de chêne antique, comme si ces 4 jours ne lui avaient pas suffi pour se remettre de toute la fatigue qu'il avait prise pour venir au monde. Je fis mes adieux à tous. Yves, pensif, debout contre la porte, m'attendait pour m'accompagner jusqu'à Toulven, où la diligence devait me prendre et m'amener à la station de Banalec. Anne et le vieux Corentin voulurent aussi me reconduire. Et quand je vis s'éloigner Toulven, le clocher gris et l'étang triste, mon cœur se serra. Dans combien d'années reviendrai-je en Bretagne? Encore une fois, nous étions séparés, mon frère et moi, et tous deux nous en allions à l'inconnu. Je m'inquiétais de son avenir, sur lequel je voyais peser des nuages très sombres. Et puis je songeais aussi à ces Kéréménen, dont l'accueil m'avait touché. Je me demandais si mon pauvre cher Yves, avec ses défauts terribles et son caractère indomptable, n'allait pas leur apporter le malheur, sous leur toit de chaume couvert de petites fleurs roses. Chapitre 51. Novembre 1880. Un peu plus de 2 ans après, Petit Pierre avait froid. Il pleurait en se tenant ses 2 petites mains qu'il essayait de cacher sous son tablier. Il était dans une rue de Brest, avant jour, un matin de novembre, sous la pluie fine. Il se serrait contre sa mère, qui elle aussi pleurait. Elle était là, à ce coin de rue, Marie Kermadec, attendant, rôdant dans l'obscurité comme une mauvaise femme. Yves rentrerait-il? Où était-il? Où avait-il passé sa nuit? Dans quelle bouge? Retournerait-il au moins à son bord, à l'heure du coup de canon, à temps pour l'appel? D'autres femmes attendaient aussi. Une passa avec son mari, un quartier-maître comme Yves. Il sortait ivre d'un cabaret qu'on venait d'ouvrir. Il essaya de marcher, fit quelques pas, puis tomba lourdement à terre, avec un bruit lugubre de sa tête contre le granit dur. « Ah, mon Dieu !» pleurait la femme. « Jésus, Sainte Vierge Marie, ayez pitié de nous !» Jamais je ne l'avais vu comme ça encore. Marie Kermadec l'aida à le remettre debout. Il avait une jolie figure douce et sérieuse. « Merci, madame. » Et la femme continua de le faire marcher en le soutenant de toutes ses forces. Petit Pierre pleurait assez doucement, comme comprenant déjà qu'une honte pesait sur eux, et qu'il ne fallait pas faire de bruit, baissant sa petite tête et cachant toujours sous son tablier ses pauvres petites mains qui avaient froid. Il était assez bien couvert pourtant, mais il y avait longtemps qu'il était là, tranquille, à ce coin de rue humide. Les lanternes à gaz venaient de s'éteindre, et il faisait très noir. Pauvre petite plante saine et fraîche, née dans les bois de Toulven, comment est-il venu s'échouer dans cette misère de la ville? Il ne s'expliquait pas bien ce changement, lui, il ne pouvait pas comprendre encore pourquoi sa mère avait voulu suivre son mari dans ce Brest, y habiter un logis sombre et froid, au fond d'une cour, dans une des rues basses avoisinant le port. Un autre passa, il battait sa femme, celui-ci. Il ne voulait pas se laisser amener, et c'était horrible. Marie poussa un cri en entendant le bruit creux d'un coup de poing frappé dans une poitrine. Et puis elle se cacha la figure, n'y pouvant rien, non. Yves n'en était jamais arrivé là, lui. Mais est-ce que cela viendrait? Est-ce qu'il faudrait aussi un de ces jours descendre jusqu'à cette dernière misère? Chapitre 52. Yves à la fin parut, marchant droit, cambré, la tête haute, mais l'œil atone, égaré. Il vit sa femme et passa sans en avoir l'air, lui jetant un mauvais regard trouble. Ce n'était plus lui. comme il le disait lui-même après, dans les bons moments de repentir qu'il avait encore. Ce n'était plus lui, en effet, c'était la bête sauvage que l'ivresse réveillait, quand sa vraie âme était obscurcie et disparue. Marie se garda de dire un mot, non seulement de faire un reproche, mais même de supplier. Il ne fallait rien dire à Yves dans ces moments où sa tête était perdue. Il serait reparti encore. Elle savait cela. Elle était pliée à ce silence. Elle suivit, tête basse, sous la pluie, traînant par la main petit Pierre, qui tâchait de pleurer encore plus doucement depuis qu'il avait vu son père, et qui mouillait ses pauvres petits pieds dans la boue du ruisseau. Comment avait-elle pu le laisser marcher ainsi, et même le faire sortir comme cela avant jour? À quoi pensait-elle donc? Où avait-elle la tête? Et elle le prit à son cou, le réchauffant contre elle, l'embrassant avec amour. Yves fit mine de passer devant sa porte, pour voir, face si de brute, puis regarda derrière lui sa femme avec un sourire stupide, qui faisait mal, comme pour dire « C'était une plaisanterie que je te faisais, mais tu vois, je vais rentrer. » Elle le suivait de loin, se dissimulant le long des murs de l'escalier noir, se faisant petite, humble. Heureusement, il n'était pas jour encore, et sans doute les voisins ne seraient pas levés pour être témoins de cette honte. Elle entra après lui dans leur chambre et ferma la porte. Pas de feu, un air de misère qui prenait au cœur. La chandelle allumée, Marie vit qu'Yves avait encore tout déchiré ses vêtements neufs, qu'elle avait une première fois raccommodés avec tant de soin. Et puis son grand col bleu était froissé et immaculé, et son tricot à raies, les mailles rompues, bâillaient sur sa poitrine. Il allait et venait, tournant comme une bête enfermée, dérangeant, chavirant brusquement les choses qu'elle avait rangées, les morceaux de pain qu'elle avait économisés. Elle, ayant recouché leur enfant dans son berceau, et l'ayant bien couvert, faisait semblant de s'occuper des choses de leur ménage. Il fallait avoir un air naturel dans ces cas-là. Autrement, si on semblait trop s'occuper de lui, il s'exaspérait tout à coup, comme un fauve qui a senti le sang. Et il voulait repartir. Et quand une fois il avait dit « Eh bien, je m'en vais retrouver de mes camarades », il s'en allait avec un entêtement de brute. Il n'y avait plus ni force, ni prière, ni larmes capables de le retenir. Chapitre 53. Quelquefois, Yves tombait tout à coup comme un mort et dormait plusieurs heures, puis c'était fini. Cela dépendait de l'espèce d'alcool qu'il avait pris. D'autres fois, il tenait bon. On ne sait comment, il se retournait sur son navire dans le port, à la réserve, faire son service. Ce matin-là, quand il fut 7 heures, Yves, un peu dégrisé, ayant eu l'idée le lui-même de tremper sa tête dans de l'eau glacée, sortit et prit le chemin de l'arsenal. Chapitre 54. Alors Marie s'assit, brisée, anéantie, auprès du petit berceau où leur fils venait de se rendormir. Par les fenêtres sans rideaux, une lueur blanche commençait à entrer. Une lueur pâle, pâle, qui donnait froid. Encore un jour, dans la rue on entendait ce bruit caractéristique des bas quartiers de Brest aux heures d'embaucher, des milliers de sabots de bois martelant les pavés de granit dur. Les ouvriers rentraient dans le port de guerre, s'arrêtant en chemin pour boire encore de l'eau-de-vie, dans des cabarets à peine ouverts qui mêlaient au jour naissant leur lueur sale de leurs petites lampes. Marie était là, immobile, percevant avec une espèce d'acuité douloureuse tous ces bruits déjà familiers des matins d'hiver qui montaient de la rue, voix noyée d'alcool et grouillement de sabots. C'était dans une de ces vieilles maisons hautes d'étage, profondes, immenses, avec des cours noirs, des murs de granit brut, épais comme des remparts, renfermant toutes sortes de monde, ouvriers, vétérans, marins, au moins 30 ménages d'ivrognes. Il y avait 4 mois, depuis qu'Yves était revenu des Antilles, qu'elle avait quitté Toulven pour venir habiter là. Une clarté plus blanche entrait par les vitres, tombait sur ces murs délabrés et sordides, pénétrait peu à peu toute cette grande chambre, où leur modeste petit ménage, aujourd'hui tout en désordre, semblait perdu. Décidément, c'était le jour. Elle alla, par économie, souffler sa chandelle, et puis revint s'asseoir. Qu'allait-elle faire de sa journée? Travaillerait-elle aujourd'hui? Non, elle n'en avait pas le courage, et puis à quoi bon? Encore un jour qu'il faudrait passer sans feu, avec la mort dans le cœur, à regarder tomber la pluie, et à attendre, attendre, attendre, avec une anxiété qui croîtrait d'heure en heure, attendre la tombée de la nuit, le moment où le martèlement des sabots recommencerait en bas dans la rue grise, la débauchée. Car Yves et les autres marins, dont les navires étaient dans le port, sortaient en même temps que les ouvriers de l'arsenal. Et alors, elle, chaque soir, appuyée à sa fenêtre, regardait passer ce flot d'hommes, les yeux inquiets, fouillant le plus loin possible dans tous ses groupes, cherchant celui qui lui avait pris sa vie. Elle le reconnaissait de loin, à sa haute taille droite, à sa carrure. Son col bleu dominait les autres. Quand elle l'avait découvert, marchant vite, se hâtant vers le logis, il lui semblait que son pauvre cœur se desserrait, qu'elle respirait mieux. Quand elle l'avait vu enfin au-dessous d'elle, entrer par la vieille porte basse, elle était presque heureuse. Il arrivait, et quand il était là, et qu'il les avait embrassés tous deux, elle et le petit Pierre, le danger était fini. Il ne ressortait plus. Mais s'il tardait à paraître, peu à peu elle sentait l'angoisse l'étreindre. Et quand l'heure était passée, la nuit venue, la foule des hommes dispersée, et que lui n'était pas rentré, oh, alors commençaient ces soirées sinistres qu'elle connaissait si bien. Ces soirées mortelles d'attente qu'elle passait, la porte ouverte, assise dans une chaise, les mains jointes, à dire des prières, l'oreille tendue à tous les chants de matelots qui venaient du dehors, tremblant à tous les bruits de pas qu'elle entendait dans l'escalier noir. Et puis, très tard, quand les autres, les voisines, étaient couchées et ne pouvaient plus la voir, elle descendait. Sous le froid, sous la pluie, elle s'en allait comme une insensée attendre au coin des rues, écouter aux portes des bouges où l'on buvait encore, coller sa joue pâlie aux vitres des cabarets. Chapitre 55. Petit Pierre dormait toujours dans son berceau pour rattraper son pauvre petit sommeil perdu d'avant-jour. Et ce matin-là, sa mère aussi s'était assoupie près de lui dans sa chaise, accablée qu'elle était de fatigue et de veille. Le grand jour pâle était tout à fait levé quand elle se réveilla, les membres engourdis, ayant froid. En reprenant ses idées, vite elle retrouva son angoisse. Pourquoi avait-elle quitté Toulven? Pourquoi s'était-elle mariée? Pauvre fille de la campagne, que faisait-elle dans ce Brest où on regardait son costume de paysanne? Pourquoi était-elle venue traîner dans les rues de la ville sa grande collerette blanche, souvent trempée de pluie? Que par désespérance, par dégoût de tout, elle laissait maintenant pendre toute fripée et sans apprêt sur ses épaules. Elle avait épuisé tous les moyens pour ramener Yves. Il était encore si doux, si bon, il aimait tant son petit Pierre dans ses moments raisonnables, que souvent elle s'était reprise à espérer. Il avait des repentirs très sincères qui duraient plusieurs jours, et c'étaient des jours de bonheur. « Il faut me pardonner, disait-il, tu vois bien que ce n'était plus moi. » Et elle pardonnait. Alors on ne se quittait plus. Quand par hasard il faisait un peu beau temps, on habillait petit Pierre dans ses habits neufs, et on allait se promener tous les trois dans Brest. Et puis un beau soir, Yves ne rentrait pas et c'était à recommencer. Il fallait retomber dans ce désespoir. Cela allait de mal en pis. Le séjour à Brest exerçait sur lui cette même influence qu'il a d'ordinaire sur tous les marins. Maintenant, c'était presque chaque semaine. Cela devenait une habitude. À quoi bon espérer? Il n'y avait plus d'argent de leur tiroir. Comment faire? En emprunter à ses femmes, les voisines, qui de temps en temps buvaient aussi, et qu'elle dédaignait de connaître. Elle en aurait trop honte. Pourtant, elle était à bout de ce moyen pour cacher sa détresse à ses parents, qui ne savaient rien, eux, et qui s'étaient mis à aimer Yves comme leur vrai fils. Eh bien, elle le leur dirait qu'il n'en était pas digne. Une révolte se faisait en elle. Elle le laisserait, cet homme, c'était trop à la fin, et il n'avait pas de cœur. Chapitre 56. Et pourtant si, quelque chose lui disait qu'il en avait du cœur, mais qu'il était un grand enfant que la vie de la mère avait perdu. Avec un attendrissement très doux, elle retrouvait sa figure noble et tranquille, sa voix, son sourire des bons moments où il était sage. L'abandonner, à cette idée qu'il s'en irait seul tout à fait perdu, alors, et jetant tout au diable, livré à ses vices et à ceux des autres, recommencer sa vie de débauche avec d'autres femmes, naviguer au loin, puis vieillir seul, délaissé, épuisé par l'alcool, oh, à cette idée de le quitter, elle était prise d'une angoisse plus horrible que tout. Elle sentait qu'elle était rivée à lui, maintenant, par un lien plus fort que toute raison, que toute volonté humaine. Elle l'aimait éperdument, sans avoir conscience de la grandeur de son amour. Non, plutôt, si elle ne pouvait pas l'en retirer, elle se laisserait rouler avec lui dans la dernière fange pour l'avoir encore dans ses bras jusqu'à l'heure de mourir. Chapitre 57. Petit Pierre n'aimait pas du tout Brest, lui. Il trouvait que c'était vilain et que c'était noir. Il y demeurait seulement depuis 4 mois, et déjà ses joues rondes avaient un peu pâli sous leur teinte brune. Avant, elles étaient pareilles à ces brugnons très mûrs des pays du Midi, qui sont d'une couleur chaude et dorée, d'un rouge taché de soleil. Ses yeux étaient noirs et brillaient d'un éclat de jais, comme ceux de sa mère, entre de très longs cils charmants. Dans ses petits sourcils, il y avait déjà quelque chose de grave qui était d'Yves. Il était beau à peindre, avec son expression réfléchie, et ce petit air mâle et décidé qu'il prenait déjà comme un grand garçon. De temps en temps, il avait bien encore des moments de gaieté très bruyante. Il sautait tout autour de la chambre triste, en faisant beaucoup de tapage. Mais cela ne lui venait plus aussi souvent qu'à Toulven. Il regrettait, dans son petit souvenir encore vague, il regrettait les petits camarades du sentier de hêtre et les cajoleries de ses grands-parents et les chansons de sa vieille grand-mère. Là-bas, tout le monde s'occupait de lui, tandis qu'ici, il était presque toujours tout seul. Non, il n'aimait pas la ville. Et puis, il avait toujours froid dans cette chambre nue et dans ces vieux escaliers de pierre. Chapitre 58. Il faut me pardonner, tu vois bien que ce n'était plus moi. Quand une fois Yves avait dit cela, tout était bien fini. Mais c'était souvent très long à venir. Lorsque l'ivresse était passée, pendant 2 ou 3 jours, il restait sombre, morne, ne parlant plus, jusqu'au moment où son sourire s'épanouissait de nouveau, tout à coup à propos d'un rien, avec une expression de confusion très enfantine. Alors le ciel se rouvrait pour la pauvre Marie, et elle lui souriait, elle aussi d'une façon particulière, et sans jamais dire un mot de reproche, et c'était la fin de l'épreuve. Une fois, elle osa lui demander très doucement, « Au moins ne reste pas 3 jours à bouder après, quand c'est passé. » Et lui, encore plus bas, avec un demi-sourire, très naïf, la regardant de côté, tout confus. « Ne pas rester 3 jours à bouder, tu dis ? Dame, est-ce que tu crois que je suis bien content de moi quand j'ai fait de ces coups, comme cela ? Oh, mais ce n'est pas contre toi, ma pauvre Marie, bien sûr. » Alors elle s'approcha plus près, s'appuyant contre son épaule, et lui voyant ce qu'elle voulait, l'embrassa. « Oh, la boisson !» dit-il lentement, ses yeux se détournant à demi fermés avec une expression farouche. « Mon père, mes frères, à présent, c'est mon tour. » Il n'avait encore jamais rien dit de pareil. Ce vice terrible, il n'en parlait jamais, et il semblait qu'il ne s'en inquiéta pas. Comment ne pas avoir encore de petits moments d'espoir, quand on le voyait ensuite si sage, si soumis, jouant au coin du feu avec son fils, puis quittant tout à fait ses façons de seigneur, ayant pour sa femme mis le petit de prévenance douce, afin de lui faire oublier sa peine. Comment croire que cet Yves-là pourrait bientôt et fatalement redevenir l'autre, celui des mauvais jours, l'Yves au regard terne, l'Yves morne et brutal, la bête égarée d'alcool que rien ne toucherait plus. Alors Marie l'entourait davantage de sa tendresse, concentrait sur lui toute sa force de volonté, le veillait comme un petit enfant, tremblait en le suivant des yeux quand seulement il descendait dans cette rue où passaient les camarades à grand col bleu et où s'ouvraient les portes des bouges. À terre, Yves était perdu. Il le sentait bien lui-même et se disait tristement qu'il fallait essayer de repartir. Il avait grandi sur mer, au hasard, à la façon des plantes sauvages. On ne s'était guère occupé jamais de lui donner des notions de devoir, ni de conduite, ni de rien au monde. Moi seul peut-être, moi que sa destinée et une prière de sa mère avaient mis sur son chemin, j'avais pu lui parler de ces choses nouvelles, mais trop tard sans doute, ou trop vaguement. La discipline du bord, c'était là le grand frein qui avait conduit seule sa vie matérielle, là maintenant dans cette austérité rude et saine qui fait les matelots forts. La terre avait été longtemps pour lui un lieu de passage, où on devenait libre et où il y avait des femmes. On y descendait comme en pays conquis, entre les longs voyages. Alors on avait de l'argent, et dans les quartiers de plaisir, on faisait tout plier devant ses caprices et sa force. Mais vivre d'une vie régulière avec un petit ménage, compter ses dépenses chaque jour, se conduire soi-même et songer au lendemain, ses allures de matelot ne cadraient plus avec ses obligations imprévues. D'ailleurs, autour de lui, dans ce Brest abattardi et pourri, l'alcool semblait suinter des murs avec l'humidité malsaine. Alors il tombait tout à fait bas comme tant d'autres, qui eux aussi avaient été bons et braves. Il s'avilissait, se ravalait peu à peu au niveau de ce peuple d'ivrognes, et sa débauche devenait repoussante et vulgaire comme une débauche d'ouvriers.